cours cette dernière semaine de l'année, nous ne parlerons ni de maladie, ni de pandémie, ni de confinement, ni de vaccin, mais d'un enjeu tout aussi majeur, le végétal, ou la déclinaison très concrète de l'écologie. Car le végétal est partout, des pommiers, des salades, de la sauge, des orties, de l'herbe, un parc, un champ, un arbre. De nos rêves d'évasion champêtre jusque dans nos assiettes, d'un platane au coin d'une rue jusqu'à l'horizon d'un monde parfaitement préservé. Mais qu'est-ce que le végétal? Est-ce ce qui tout simplement végète? Ou est-ce la vie à l'état pur? Ou un terrain commun? Que peut bien nous apprendre le végétal? Le règne végétal. Voici des fruits. Oh, des pommiers! Bah, les pommiers sont des poiriers, ma petite poupée, ça. Ah. Oui, des plantes, oui, je sais. Bon, j'aime bien m'entourer de plantes parce que je trouve, je sais pas, il y a un côté harmonieux, une déstructuration des formes alliée à la société. Voilà. Les pommes de terre sont râpées. Bon, mais quoi alors? Quoi? Parle maintenant. Bon, enfin, Bernardo, tu es stone? Tu veux nager la brasse dans les plantes vertes? Merci, les plantes. Merci. Oh, des salades! Tu sais que j'ai jamais vu des salades plantées? Observer les plantes, c'est très instructif. Elles survivent les plantes en milieu agressif. Elles cherchent la lumière en se transformant, s'allègent en s'amputant, puis se régénèrent. J'observe les plantes. C'est très instructif. Je suis comme une plante en milieu agressif. Je cherche la lumière en me transformant, m'allège en m'amputant, puis me régénère. Observez les plantes. C'est très instructif. Souviens-toi, tu me l'as dit. J'y repense souvent depuis. Assis dans le jardin, je regarde le jasmin. Oui, je le vois bien. Me voilà jasmin. Bonjour Florence Burga. Bonjour Géraldine Mostin-Savoie. Vous êtes philosophe, directrice de recherche à l'Institut National de la Recherche Agronomique, affectée aux archives Husserl à l'ENS, École Normale Supérieure. Début mars est sorti votre livre « Qu'est-ce qu'une plante ? Essai sur la vie végétale » aux éditions du Seuil. Alors on ouvre la semaine avec vous sur le végétal. Le mieux est peut-être de vous poser directement la question « Qu'est-ce qu'une plante ?» Florence Burga. Évidemment, il y a plusieurs manières de répondre à cette question. On pourrait répondre tout simplement par la négative, comme on l'a fait beaucoup. La plante n'a pas ceci, n'est pas cela. Et je n'ai pas complètement mis de côté cette approche négative ou privative, sans m'en tenir là, bien évidemment. Mais j'ai pensé qu'elle était de nouveau importante, puisque depuis quelques années, un courant... pas simplement chez les philosophes, un certain nombre de livres ont crédité les plantes de caractère zoomorphique, voire même anthropomorphique, franchement anthropomorphique. Et bien sûr, là, on peut se permettre de citer les deux ouvrages en particulier qui procèdent de cette manière, parce que c'est tout à fait fait de façon avouée et assumée. Non métaphorique, assumée et non métaphorique. Peter Volleben, La vie secrète des arbres, et Stefano Mancuso, L'intelligence des plantes. Et on peut se demander, puisque ce sont deux best-sellers, hein, traduits pour le premier dans une trentaine de langues et le second dans une vingtaine de langues, donc vraiment des livres très, très lus, très diffusés et très appréciés, pourquoi, pour la première fois probablement dans l'histoire de la pensée, les plantes sont assimilées purement et simplement à des êtres humains, en leur prêtant donc des sentiments très complexes, des sentiments réfléchis, la jalousie, la vengeance, la bienveillance, etc., etc. Vous avez réussi à trouver la réponse de cette espèce d'attention portée aux plantes et une attention qui plus est orientée d'une certaine manière, c'est-à-dire de manière anthropocentrée, on pourrait le dire. Oui, oui. Alors, j'ai proposé quelques hypothèses, en effet, pour essayer de répondre à la question « Pourquoi un tel engouement aujourd'hui ?» Alors, on peut penser qu'il y a, alors, de la part d'un courant d'anthropologie, le désir de prolonger une critique de la métaphysique occidentale, voilà, qui ne se serait préoccupé que du modèle, que de l'humain ou du modèle zoomorphe, au détriment de la nature et des végétaux. Et à ce moment-là, on crédite les végétaux de toute une symbolique. Il y a aussi, chez un auteur qui, je crois, est plutôt isolé, un geste philosophique très radical et très curieux, qui consiste à, et assez violent en fait, à vouloir opérer un décentrement radical vers la plante, en disant que l'humain doit retrouver la couche végétale de son cerveau, donc je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, doit repenser toute sa vie à l'aune du modèle végétal, en particulier, dit-il, de la grossesse et de l'avortement. Voilà, je ne sais pas non plus très bien ce que ça veut dire. Qui est la personne dont vous parlez ? Michael Marder. Je me souviens plus de la référence du livre, on pourra tout à l'heure peut-être la préciser. C'est un article en particulier, l'appel au verdissement de la conscience. Et donc là, son idée, c'est que dans la mesure où la plante vit en réseau, avec des ramifications, qu'elle n'a pas vraiment de centre, que c'est un être un peu éclaté, eh bien ce modèle est vraiment à même de faire exploser, parce qu'il y a vraiment une virulence tout à fait curieuse chez cet auteur, ce modèle hein, du vivant qui est à la fois biologique et psychologique. Alors qu'il me semble que c'est ce sur quoi il faut veiller et qui permet de construire un grand ensemble dans lequel il y a tous les humains et une très grande partie des animaux. Et en quoi ça vous fait peur cet engouement-là et cette lecture précisément, parce qu'on pourrait aussi y voir le prolongement de tout un ensemble d'études sur, par exemple, la condition animale, sur laquelle vous avez aussi beaucoup travaillé, Florence Burga. L'idée est d'étendre la réflexion sur les conditions de vie, les conditions non humaines. Les animaux en font partie. Il y a eu un certain nombre d'ouvrages. Ce travail-là se prolonge encore et il s'agit en fait de l'étendre jusqu'aux végétaux. Est-ce que c'est si dangereux que ça ? Alors, oui, et là je vais répondre en deux temps. Je pense que c'est, je ne sais pas si le mot dangereux, en tout cas c'est très préjudiciable aux animaux. Je ne pensais pas dangereux pour l'humain, je ne pense pas que les gens qui défendent les droits des végétaux vont remettre en question les droits humains. Ça, je ne crois pas du tout qu'ils en soient là. Mais si vous voulez, il ne s'agit pas d'une extension parce que les plantes n'ont strictement rien à voir avec le modèle vivant des animaux qui sont des êtres de chair et de sang, qui sont nés un jour et qui vont mourir un jour, contrairement aux plantes dont on ne sait pas très bien quand elles naissent, qui se perpétuent par la division, se ramifient, disparaissent, ressurgissent, renaissent à partir de leurs propres graines qui ont séché. Il y a une espèce d'immortalité potentielle des plantes et d'indifférence évidemment à leurs propres conditions. Elles n'ont pas le souci d'elles-mêmes comme les animaux et nous-mêmes avons le souci de notre propre vie. Donc il ne s'agit en aucun cas d'une extension. Si extension il y a, c'est des droits humains vers les droits des animaux, dans la mesure où on peut montrer, comme tout un courant d'ailleurs le montre hein, depuis Rousseau, que l'humain est protégé non pas parce qu'il a des performances cognitives particulières, qu'il ne s'agit pas de lui dénier, mais parce que c'est un être sensible qui peut pâtir de l'action d'autrui et qui tient à sa propre vie. Donc, étendre ce droit fondamental aux autres êtres sensibles, là où il y a une extension qui a du sens. Mais dire que nous allons étendre ces droits aux végétaux, il faudra à ce moment-là reconnaître, et c'est ce que font certains auteurs, aux plantes une vie psychique. Mais à ce moment-là... Ou une vie sensible, du moins. Oui, y a-t-il sensibilité sans psychisme ? Enfin, peut-être on pourra revenir sur cette notion de sensibilité qui a plusieurs définitions. En tout cas, bon, en philosophie, je pense qu'elle est clairement liée au fait que la sensibilité comme capacité à éprouver du plaisir et de la souffrance est liée à une expérience, évidemment, que j'ai de ce plaisir ou de cette souffrance. Tandis qu'on trouve, par exemple, dans le trésor de la langue française, hein, à la notion, à l'entrée sensibilité, une première définition assez physicaliste, c'est la réaction, en fait, d'un organisme à quelque chose. Et Pour répondre, le deuxième volet de ma réponse à votre question concerne tout de même, alors là, une intention assez avouée de la part de certains défenseurs des végétaux, c'est de noyer complètement la question de la cause animale, de la souffrance animale. Certains de nos collègues disent « je ne vois pas quelle est la différence entre faire souffrir un lièvre ou faire souffrir une carotte ». Ben, c'est un petit peu dommage de pas percevoir cette différence. Et Peter Volleben, à la fin de son livre, pratiquement dans les pages de conclusion, a ce passage très très frappant. Il s'adresse au lecteur et il dit « Cher lecteur, vous qui êtes peut-être assis au coin du feu, eh bien c'est le cadavre d'un être qui crépite, vous avez dans les mains un livre, ces pages sont des copeaux qui ont été arrachés, etc. etc. Est-ce pour autant blâmable? Mais non, tout souffre dans la nature. Tout ce que je demande, dit-il, c'est qu'on traite les arbres aussi bien qu'on traite les animaux. » Alors, on peut se dire qu'il est, voilà, il n'est pas au courant de la manière dont les animaux sont traités. Et il demande pour les arbres le droit de mourir dans la dignité. Enfin, si vous voulez, moi, je suis absolument atterrée de voir que ces discours sont reçus sans grand émoi, alors que quand on demande des choses beaucoup plus élémentaires pour la défense des droits des animaux qui, pour le moment, végètent, si je puis dire, eh bien, le propos est jugé excessif. Donc, quand vous avez écrit ce livre, Florence Burga, « Qu'est-ce qu'une plante ?», vous aviez déjà envie de pointer le fait qu'il y avait quand même une distorsion entre le fait de s'émouvoir pour le traitement des plantes, mais de ne rien faire pour la cause animale, ou est-ce que c'est une idée qui vous est venue au fur et à mesure de vos recherches? Est-ce que c'est une idée que vous aviez déjà avant, vous avez été conforté dans cette idée-là, ou est-ce que vraiment vous l'avez découverte et vous êtes même radicalisé, si je puis dire, sur cette critique d'une sorte de végétalisme? Alors, quand j'avais écrit en 2006 le livre « Liberté, inquiétude de la vie animale », qui était le premier volume, disons, j'en ai fait que deux, des approches phénoménologiques de la vie animale, j'avais travaillé sur la philosophie de la nature de Hegel, et il dissocie, enfin il fait deux analyses vraiment que j'ai trouvées absolument magistrales, hein, de l'organisme végétal et l'organisme animal. Et il pense à subjectivité animale à partir du mouvement spontané, etc. Et donc c'est lui qui le premier, enfin bien sûr il y a le courant romantique, hein, qui voit comme ça le voile de souffrance dans la nature, mais Hegel est vraiment, je crois, le premier dans la tradition occidentale à parler, enfin à dire que la disposition fondamentale des animaux, c'est l'inquiétude, hein, c'est le fait qu'ils risquent leur vie. Et donc il faisait ce partage, et j'avais consacré un chapitre que j'avais appelé « Le calme de la vie végétale ». Donc je m'étais un peu frottée à cette question. Et c'est en effet, vous le dites et vous avez parfaitement raison, lorsque j'ai pu lire qu'il n'y a pas de différence entre la souffrance d'un lièvre ou une carotte, je cite là Dominique Lestel ou bien Peter Volleben, la souffrance de la plantule mangée par le chevreuil ou le sanglier égorgé par le loup souffre également, enfin de la même façon. Et que j'ai bien sûr assisté, comme tout le monde, à ce succès médiatique, et que j'ai donc voulu lire ce livre, et surtout dans mon expérience personnelle, de voir que quand on parle de la souffrance animale, depuis quelque temps, on commençait à vous répondre, et les plantes, est-ce qu'elles ne souffrent pas? Et je me suis dit que c'était vraiment le nouveau contre-feu, et qu'il serait important d'essayer de clarifier ces distinctions pour bien marquer une différence absolument abyssale entre ces deux formes de vie. Peut-être on précisera les termes de cette différence. Ce qui m'intéresse le plus dans les plantes, c'est leur altérité. L'altérité par rapport à l'être humain et à l'animal. C'est ça qui me paraît que ces plantes ont d'irremplaçable. C'est pour ça que ça m'ennuie qu'on utilise des mots venant de l'être humain, parce que ça perd de l'altérité. C'est totalement autre par rapport à nous. Attendez, comprenez bien qu'entre une plante et moi, il y a tout de même énormément de choses en commun. Nous sommes faites cellules l'un et l'autre. La méiose, la mitose, la fécondation, l'embryologie, etc. Tout ça, c'est commun. Nous sommes assez proches, finalement. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est l'altérité, c'est-à-dire ce qui nous sépare. Par exemple, l'extraordinaire sensibilité aux marées, aux attractions des astres, sensibilité aux ondes sismiques, ça, c'est des choses que nous ne savons pas faire. Attendez, je vais être un peu méchant. Je crois qu'en prêtant de l'intelligence aux plantes, c'est-à-dire en leur prêtant un caractère qui est le nôtre, nous les rabaissons. C'était la voix Florence Burga du botaniste et biologiste Francis Allais dans l'émission Science Publique sur France Culture diffusée en mars 2013. Alors Francis Allais défend une position qui est le phytocentrisme. On l'a entendu en fait dans cet extrait, c'est le fait de dire que les plantes sont radicalement différentes de nous humains. Elles ont une altérité radicale. D'où cette question, comment peut-on défendre que ce soit la condition végétale ou s'inquiéter de se préoccuper plus des droits des végétaux que des animaux à partir du moment où en fait les plantes, eh bien, elles sont radicalement différentes de nous et nous n'y avons pas forcément accès. C'est évidemment un problème classique de philosophie de la connaissance. Comment connaître ce qui m'est le plus étranger et en l'occurrence la plante est ce qui m'est le plus étranger. Nous n'avons rien de commun avec elle, si ce n'est, comme le rappelle Francis Allais, bien évidemment, des structures physico-chimiques communes qui sont celles du vivant. Il ne s'agit bien évidemment pas de récuser cette continuité du vivant sur le plan physico-chimique, hein, de l'infiniment petit. Mais ça n'est pas, si on s'en tient à ce plan des échanges physico-chimiques, on ne peut absolument plus rien penser. On est dans le règne de l'indistinction. On voit d'ailleurs que tous ceux qui essayent de décrire les plantes pour elles-mêmes sont dans l'embarras parce que il n'existe pas de vocabulaire approprié. L'esprit humain, évidemment, a tendance à chercher du connu dans l'inconnu. Et donc ça a été quelque chose qui a vraiment rythmé l'histoire de la botanique, hein, l'analogie, l'homologie, comment comprendre à partir de ce que nous connaissons. Par exemple, la fonction, le mode de nutrition des plantes, leur mode de croissance. Donc il y a un réel embarras, et s'il est difficile de se mettre à la place d'autrui, encore plus difficile de se mettre à la place d'un animal, alors se mettre à la place d'une plante, ça n'a vraiment aucun sens. Si ce n'est bien sûr à travers des fictions littéraires, à travers la poésie, qui portent avec leurs outils quelque chose qui donne à penser. Mais sur le plan de la connaissance, nous sommes évidemment dans l'embarras. En tout cas, nous ne pouvons pas faire autre chose qu'une description en troisième personne. Donc il faut renoncer à connaître les plantes, vous pensez, Florence Burga ? Alors, il ne faut pas renoncer à les connaître. Du reste, il y a aussi aujourd'hui de très beaux travaux d'écologues, de botanistes ou de physiciens qui, par exemple, décrivent, grâce aux outils plus fins dont nous disposons, tous les mouvements des plantes qui sont des réactions, soit à la lumière, soit au toucher. Et il y a aussi, bien évidemment, notre éblouissement face à la beauté du monde végétal. Donc, si vous voulez, quand on voit cette tentative d'indistinction pour mettre de côté la question animale, on a évidemment tendance à souligner ce que les plantes ne sont pas. Une fois qu'on a fait ce travail, il ne s'agit pas d'en rester là, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'elles ne sont pas, les plantes ? Quelles caractéristiques leur sont enlevées ? Alors, Georges Canguilhem définit l'être vivant comme un mortel dont la vie se déroule entre la naissance et la mort. Eh bien, si l'on s'en tient à cette définition, on peut dire que les plantes ne sont pas des êtres vivants. On peut se demander si, au regard de toutes les formes de vie, les végétaux ne sont pas ce qu'on pourrait appeler la vie à l'état pur, la vie surpuissante, hein, j'emprunte ces notions à Renaud Barbaras, une sorte de puissance éternelle, même si je ne crois pas qu'il fasse cette distinction, cette scission évidemment entre deux formes de vie. Mais il y aurait donc cette vie à l'état pur qui nous a précédés, qui probablement restera là, qui est une forme d'impassibilité, qui évidemment à ces stratégies physico-chimiques de survie qui sont là aussi un objet de recherche et de connaissance. Mais sur le plan philosophique, sur le plan ontologique, ces plantes ne connaissent rien des abîmes de la vie psychique. Voilà, elles n'ont pas peur pour leur propre vie. Elles ne connaissent pas la naissance, leur mort est indéterminée. J'ai appris que les arbres étaient potentiellement immortels. Ils s'arrêtent de pousser pour des raisons physiques, parce qu'une fois, s'ils étaient trop hauts, évidemment, pour des raisons physiques, ils tomberaient. Tout ça les éloigne radicalement de nous. Leur rapport à l'espace, leur rapport au temps n'est pas le même. Elles n'ont pas de sentiments. Il y a dans la vie végétale des stratégies physico-chimiques extrêmement complexes, un lien avec probablement aussi les éléments du cosmos. Il y a un chercheur qui travaille là-dessus, tous les éléments, la lune, bon, le soleil, on le sait. Donc c'est tout ça en fait la vie des plantes. Ce que voulait dire Florence Burgas, c'est qu'à partir du moment où, comme le dit Kang Guillem, il n'y a pas de mort, en tout cas l'existence, ou je ne sais pas comment dire, la vie des plantes n'est pas rythmée par une naissance et une mort, à partir de ce moment-là, elles ne peuvent pas avoir conscience de vivre et donc d'une existence. Mais on pourrait très bien se dire, par exemple, qu'un animal ne se souvient pas du moment où il est né et ne se rendra pas compte du moment où il va mourir. Alors, du moment où il va mourir, si ça, il s'en rend compte. Du moment où nous sommes nés, il ne s'en souvient pas, mais nous non plus. Oui, mais moi, par exemple, je peux dire que je suis née en février. Oui, d'accord, mais... Enfin, je peux même donner une année, un lieu. Oui, bien sûr, mais bon, ça, c'est pas un élément... Ce que je veux dire, c'est que le sentiment d'existence, d'exister avec une date de naissance et une date de mort est peut-être dépourvu à un certain nombre d'êtres. Oui, vous avez tout à fait raison. Et là, je pense que la réflexion d'Helmut Plessner, auquel j'ai consacré j'ai restitué ses analyses dans la première partie sur les questions épistémologiques, est vraiment importante ici parce que il dit que dans le règne vivant, il y a des formes intermédiaires et des formes caractérisées. Donc il y a en effet, dans l'échelle du vivant, des animaux qui sont à la limite des végétaux qui sont à la limite des animaux. Il existe des animaux fixés, par exemple les arapètes, qui sont fixés sur les rochers. Donc, on le sait, c'est très difficile de parler d'un ensemble que l'humain, enfin comme Derrida l'a dit, a appelé l'animal, voilà. Alors qu'il y a évidemment une multiplicité de formes de vie qui comportent, là aussi, des formes caractérisées ou des formes intermédiaires. Donc, ce ne sera jamais un seul critère empirique qui nous permettra de dire on tient la différence. Car comme vous le dites, par exemple, nous connaissons notre date de naissance, nous pouvons l'énoncer, en tout cas quand on a la parole, quand on a su quel jour on était né, parce qu'on pourrait ne pas le savoir aussi dans certaines conditions, je pense qu'il y a des humains qui le savent pas. Toutes ces distinctions, si elles sont prises une à une, elles ne nous permettent pas en fait de penser l'essence de la vie animale ou l'essence de la vie végétale. Donc il faut voir comment elles font système et ce qu'elles disent. Comment on peut procéder justement pour voir comment elles font système? Comment vous avez procédé, Florence Burgas, pour essayer de dire la vie végétale, ce n'est pas la même chose que la vie animale, c'est une autre forme de vie, c'est peut-être la vie à l'état pur, dépourvue de bornes, que ce soit de commencement ou de fin, mais est-ce qu'on doit s'en tenir juste à ça? Est-ce qu'on doit juste se dire, voilà, c'est de la vie, les plantes peuvent croître, mais... l'observation humaine va s'en tenir là? Non, comme on le disait tout à l'heure, il y a des études en cours très très précises pour décrire tous ces phénomènes. Avec à quoi réagissent les plantes? Ça c'est quelque chose de subtil. Bon, voilà, Schopenhauer s'y intéressait déjà au 19e, mais aujourd'hui ces phénomènes sont étudiés de beaucoup plus près. Comment je m'y suis prise? Eh bien, écoutez, de façon assez classique. En étudiant, enfin en passant en revue les grands critères, c'est-à-dire la plante est-elle un individu, la plante est-elle sensible, a-t-elle une perception, quel est son rapport au temps, peut-on dire qu'elle a une conscience, quel est son rapport à l'espace, peut-on dire qu'elle meurt, enfin toutes les grandes catégories en fait par lesquelles on saisit ce qui fait qu'un être vivant est pourvu d'un être au monde spécifique. La nécessité avec laquelle se développent les phénomènes de la nature ne nous empêche pas de reconnaître en eux des manifestations de la volonté. Jusqu'ici, on a considéré comme manifestation de la volonté que les modifications qui ont pour cause un motif, c'est-à-dire une représentation. C'est pourquoi on attribuait la volonté qu'à l'homme et à la rigueur aux animaux, attendu que la connaissance et la représentation sont les caractères mêmes de l'animalité. Mais nous ne voyons que trop par l'instinct et le caractère industrieux de certains animaux que la volonté agit encore là où elle n'est pas guidée par la connaissance. Qu'ils aient des représentations et une connaissance, ce n'est pas une considération qui puisse nous arrêter ici, car le but auquel ils travaillent comme si c'était un motif connu, ils l'ignorent parfaitement. Leur activité n'est pas réglée par un mobile, elle n'est pas accompagnée de représentation, et nous prouve clairement que la volonté peut agir sans aucune espèce de connaissance. Ce ne sont pas seulement les actions du corps, c'est le corps entier lui-même qui est l'expression phénoménale de la volonté objectivée, la volonté devenue concrète. Tout ce qui se passe en lui doit donc sortir de la volonté. Ici toutefois, cette volonté n'est plus guidée par la conscience, elle n'est plus réglée par des motifs, elle agit aveuglément et d'après des causes qu'à ce point de vue nous appelons excitation. Florence Burguin, on vient d'entendre un extrait du Monde comme volonté et comme représentation. C'est le livre d'Arthur Schopenhauer. C'est dans le livre 2, paragraphe 23. Paragraphe dans lequel il développe cette idée d'une volonté. Alors, pas du tout la volonté que l'on connaît, la volonté agissante, consciente, mais une sorte de volonté aveugle qui répond aux excitations. Il parle de la condition animale, il parle des animaux. Et il parle aussi en fait des phénomènes, plus généralement, de la nature. Est-ce qu'une manière de définir la vie végétale, c'est justement par cette redéfinition de la volonté selon Schopenhauer ? Alors en effet, comme Schopenhauer est philosophe, il lit les botanistes de son temps, il critique leur façon zoomorphe ou anthropomorphe de comprendre les mouvements de certaines plantes, et donc il cherche à caractériser de manière essentielle en fait la vie végétale, et il forge pour cela ce concept de volonté qu'il prend soin là aussi de redéfinir, parce que comme vous le dites, c'est, on l'entend comme au fond de façon assez qu'ancienne, hein, comme l'autonomie de la volonté. Je suis moi-même l'auteur de ma volonté. Donc il redéfinit de façon radicalement asubjective cette notion de volonté, en disant que ce qui agit la volonté, ce sont des causes et non pas des motifs. Le motif, ce sont les raisons qui me font agir, parce que ce sont mes raisons à moi, à ce moment-là, que je peux changer d'avis. Bref, il y a une contingence du motif, parce que il est lié à un individu libre, en fait, qui a sa propre histoire et qui est l'auteur de ses actes. La plante n'est pas l'auteur de ses actes, elle ne décide pas de se tourner de ce côté-là parce qu'il y a de la lumière, non, c'est parce que la source lumineuse est là, cette source lumineuse est la cause de son mouvement, c'est-à-dire se tourner vers le soleil. Et donc le monde comme volonté, comme représentation, c'est vraiment ces deux grands concepts massifs, hein. La volonté qui est agie par des causes et puis la représentation qui passe par la conscience. À partir de ce moment-là, si vous avez procédé tel que vous l'avez dit, Florence Burga, en passant par un certain nombre de caractéristiques pour essayer de désigner et de définir une plante, est-ce que cette définition-là de la volonté vous a semblé correspondre à une certaine bonne manière de caractériser la vie végétale ? Ou est-ce que, bon, cette volonté aveugle qui agit sans représentation, en fait, échoue peut-être à nous donner une définition de la plante ? Alors, je pense que la description de Schopenhauer est intéressante et qu'elle est, au fond, en adéquation avec ce que la science dit aujourd'hui de la vie végétale. Il n'empêche qu'on est quand même un peu gêné, je trouve, par ce concept de volonté qu'on a beaucoup de mal à désubjectiviser. Enfin, oui, voilà, on dit toujours « je veux quelque chose ». Oui, c'est quand même un concept qui ne va pas de soi dans cet usage radicalement asubjectif. Mais l'idée de Schopenhauer, je trouve la distinction qu'il opère entre la cause et le motif, bon, est quand même éclairante. Je vous propose d'écouter un autre texte, Florence Burga, pour qu'on voit si effectivement la plante a une volonté ou pas. Maintenant, on va voir si elle a une conscience ou pas, et c'est Bergson qui en parle. L'animal, ne pouvant fixer directement le carbone et l'azote qui sont partout présents, est obligé de chercher pour s'en nourrir les végétaux qui ont déjà fixé ces éléments ou les animaux qui les ont empruntés eux-mêmes au règne végétal. L'animal est donc nécessairement mobile. Au contraire, la cellule végétale s'entoure d'une membrane de cellulose qui la condamne à l'immobilité. Et de bas en haut du règne végétal, ce sont les mêmes habitudes de plus en plus sédentaires. La plante n'ayant pas besoin de se déranger et trouvant autour d'elle, dans l'atmosphère, dans l'eau et dans la terre où elle est placée, les éléments minéraux qu'elle s'approprie directement. Si la mobilité et la fixité coexistent dans le monde végétal comme dans le monde animal, la balance est manifestement rompue en faveur de la fixité dans un cas et de la mobilité dans l'autre. Ces deux tendances opposées sont si évidemment directrices des deux évolutions qu'on pourrait déjà définir par elles les deux règnes. Mais fixité et mobilité, à leur tour, ne sont que les signes superficiels de tendances plus profondes encore. Entre la mobilité et la conscience, il y a un rapport évident. Comment la plante qui s'est fixée à la terre et qui trouve sa nourriture sur place aurait-elle pu se développer dans le sens de l'activité consciente ? Florence Burgat, on vient d'entendre cette fois-ci, comme je l'ai annoncé, un texte d'Henri Bergson, dont c'est extrait de l'évolution créatrice, chapitre 2, les directions divergentes de l'évolution de la vie, torpeur, intelligence, instinct. Je vous donne le titre du chapitre en entier. Je crois que c'est assez clair quand même ce que dit Bergson à la fin, quand il dit comment la plante qui s'est fixée à la terre et qui trouve sa nourriture sur place aurait-elle pu se développer dans le sens de l'activité consciente. Ce qu'il nous dit, c'est que puisque la plante est immobile, elle n'a pas à se tourner, elle n'a pas à orienter sa conscience, donc elle n'a pas de conscience. Est-ce que c'est suffisant de s'en tenir à ce critère de la mobilité ou de la fixité pour se dire, la plante non seulement a une volonté aveugle, mais en plus, elle n'a pas de conscience? Alors encore une fois, il faut toujours travailler avec tous les critères ensemble, mais celui du mouvement est vraiment, je crois, fondamental, comme le montre la phénoménologie. Parce que si la plante a une certaine mobilité, elle ne quitte pas son lieu. Elle déploie ses feuilles, elle peut grimper, elle peut changer de direction, mais elle reste fixée. Comme dit Canguilhem, encore, la plante vit dans la nourriture. Le fait d'être doté de l'automouvement, du mouvement spontané, c'est-à-dire de décider de quitter son lieu, d'aller ici plutôt que là, de se reposer, de courir, d'avoir un lieu qui est tout le temps contingent, un lieu choisi, un lieu fui, un lieu recherché, cela ne peut pas se concevoir sans la présence d'une forme de conscience. Et Bergson va même jusqu'à dire que le mouvement et la conscience sont liés de manière plus intime qu'un système nerveux à la conscience. Bon, là, il fait preuve effectivement de réserve à l'égard d'une validation par des critères positifs de l'existence de la conscience. Et il voit vraiment dans le mouvement spontané, encore une fois, qu'il ne faut pas confondre avec le changement de forme de la plante. Ou par exemple le fait qu'elle ait des mouvements, qu'elle se tourne par exemple vers le soleil. Oui, mais c'est pas elle qui dit eh ben tiens, je vais me tourner vers le soleil. Bon, oui, c'est des réactions. Voilà, des réactions obligées en fait. Elle ne peut pas ne pas se tourner vers le soleil. Elle ne peut pas ne pas grimper. Tandis que, comme le dit Antionas dans un article aussi tout à fait intéressant sur les fondements de l'individualité, l'animal peut ouvrir ou fermer ses mâchoires pour bâiller, pour manger, ou pour toute autre chose. Il y a une décision qui appartient en fait à l'individu. Donc, mais bâiller par exemple, ça n'est pas une décision. Non, mais il dit, ça peut être pour bâiller, ça peut être pour aboyer, ça peut être, bon, puis on peut prendre d'autres exemples, on peut prendre l'exemple humain, tout simplement, je peux effectivement ouvrir ma bouche parce que je bâille et c'est irrépressible, c'est commandé par une cause, mais aussi pour vous parler, pour me taire, pour chantonner, pour... Et tout ça, c'est moi qui suis l'auteur, en fait, de ces mouvements. Ce qui nous met dans une position quand même un petit peu ambiguë par rapport à la vie végétale, c'est qu'à force de leur retirer un certain nombre de caractéristiques pour pouvoir les identifier, c'est qu'on, non seulement on peut s'empêcher de les penser, ou alors on reconnaît une forme aussi d'échec de l'intelligence à pouvoir saisir la vie végétale, mais surtout on empêche de les considérer comme une forme de vie. C'est-à-dire que se contenter de dire qu'elles sont une forme de vie sans pouvoir définir cette forme de vie. C'est aussi s'empêcher de faire attention aux plantes. Je crois aussi que dans le mouvement végétaliste dont on parle, vous pourrez dire pourquoi vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, Florence Burka, mais ce n'est pas forcément une disqualification de la condition animale, mais aussi une manière de dire, là, il y a de la vie, dans les plantes, il y a de la vie, alors quelle est cette vie et comment en prendre soin? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un entre-deux entre ne pas du tout parler des plantes ou alors ne parler que des plantes et en faire des hommes? Alors, je pense pas du tout qu'il ne faut pas du tout parler des plantes. Voilà. Moi, l'objet de ce travail, ça a été vraiment aller contre une tendance à l'indistinction et clarifier les choses sur le plan philosophique en m'appuyant sur des éléments de réalité, en fait. Je ne suis pas pour le saccage des plantes, je ne suis pas pour le saccage des arbres, pour le saccage des forêts qui, en outre, sont habitées, évidemment, par de nombreux animaux. Simplement, je pense que la défense des végétaux ne s'appuie pas sur les mêmes fondements que la défense des droits humains, par exemple. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et alors, sur quels fondements on peut s'appuyer pour défendre les végétaux? Certain nombre de caractéristiques, comme on l'a vu, sont refusées à l'étude philosophique aux végétaux. Mais il y en a des tas de critères. Ça peut être des critères strictement intéressés. Nous avons besoin des végétaux pour des questions de climat, pour des questions d'environnement. Enfin, voilà, on peut développer aussi d'écosystèmes. Voilà, toutes ces raisons-là, les végétaux nous sont absolument indispensables. On peut les défendre aussi pour la beauté du monde, enfin, qui doit beaucoup aux végétaux, à la présence des végétaux. On peut les défendre dans un geste, disons, de protection plus large, hein, environnementaliste, écologiste. On peut aussi les défendre, par exemple, certains arbres, comme on défendrait des monuments patrimoniaux. Cet arbre qui a 2000 ans, 3000 ans, on a trouvé un qui a 5000 ans. Eh bien, on peut le défendre au même titre qu'on défendra un monument ancien. Donc, il y a des tas de raisons pour lesquelles nous pouvons enjoindre quiconque de veiller à ne pas saccager la nature. Et pourquoi vous mettez-vous en concurrence? En fait, vous avez fait une moue, Florence Burka, quand j'ai dit on peut défendre la cause végétale sans forcément la faire au détriment de la cause animale. J'ai fait une moue parce que, comme je le disais au début de l'émission, comme je le cite, et on n'a pas le temps de citer ces passages dans mon livre, il y a chez certains auteurs, je les ai déjà mentionnés, je ne veux pas recommencer pour ne pas avoir l'air de m'acharner sur eux, qui expliquent explicitement disent, mais les plantes souffrent autant que les animaux, pourquoi se préoccuper des animaux? Voilà, il y a quand même ça qui existe. Ça n'est pas que ça, hein, la philosophie végétale, ça n'est pas que ça. Mais il y a là tout de même quelque chose de problématique, si vous voulez, qui vient un peu dire à notre société, vous vous inquiétez de ce que vous découvrez, ne vous en inquiétez pas, les images abominables que vous voyez d'animaux en train de mourir, c'est la même chose que quand vous arrachez une carotte. Je pense que c'est très grave. Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. Aujourd'hui, je vais aborder la question qu'est-ce qu'un fruitarien? Qu'est-ce qu'un frugivore? Parce que certains d'entre vous m'ont posé des questions à ce sujet et je vois bien qu'il y a un peu d'incompréhension. Quand on mange un fruit, on ne tue pas la plante. Il y a toute une pensée vibratoire derrière. Lorsqu'on mange un fruit, on ne blesse pas l'arbre, on n'a pas un impact négatif sur la plante qui nous donne ce fruit. Le fruit il est là pour ça. Nous, on le mange. Et si on était dans un contexte de nature, en allant expulser nos déchets, eh bien, on répandrait les graines. C'est ce que font la majorité des animaux, d'ailleurs. Et c'est très positif. Au niveau le plus simple, physiquement, c'est beaucoup mieux de manger des fruits. C'est tellement délicieux. Je me sens comme un enfant. J'ai un plaisir. Depuis ce matin, je mange mon melon. Je ne l'ai même pas encore terminé. Est-ce que vous connaissiez, Florence Burka, Nicolas de Montréal? Non, je l'ai découvert grâce à vous. Alors vous avez entendu, il vante les mérites du régime fruitarien. C'est dans une vidéo du 16 avril 2018. Et il postule que manger un fruit, eh bien, ça ne fait pas du tout mal aux fruits. Et on dirait que c'est un sketch, mais d'une certaine manière, ceux qui défendent l'idée de droit des végétaux postulent le fait qu'ils souffrent quand on arrache, quand on les arrache, quand on les coupe, quand on les cultive. Alors, ils disent ça, mais en même temps, ils ne se privent pas, si vous voulez, de les manger, parce que il faudrait qu'ils se suicident sur le champ. Donc ça. Mais c'est-à-dire qu'il y a une sorte de contradiction, un paradoxe à défendre à tout prix la cause végétale. Je pense que c'est évidemment de la mauvaise foi. D'ailleurs, je me souviens, Peter Volleyball avait été invité par Guillaume Herner, et Guillaume Herner lui avait dit, mais vous qui créditez... Donc dans la matinale de France Culture. Dans la matinale de France Culture, oui, pardon. Vous qui créditez les plantes des mêmes sentiments que les humains, de la même souffrance, comment pouvez-vous manger les végétaux ? Car, dit-il, lorsque je reçois des défenseurs des animaux, eh bien, je découvre qu'ils cessent de les manger. Et là, bien sûr, l'auteur a éclaté de rire et a dit que, bah, évidemment, il mangeait tous les végétaux. Donc, bien évidemment. Alors, en revanche, cette question du fruit, je crois qu'elle est ancienne. Hein, dans l'Antiquité, il y a tout un courant aussi qui souligne le fait que quand vous ne mangez que les fruits, au fond, vous ne portez pas atteinte à la plante. Oui, quand le fruit tombe. Voilà, puis de toute façon, la plante produit des fruits et ça ne la tue pas, évidemment, entre guillemets, de manger ses fruits. Un pommier par exemple, vous mangez les pommes et ça ne met pas fin au pommier. Mais la question se pose néanmoins, Florence Burgat, de cette idée de souffrance ou du moins de sensibilité. Parce qu'on a parlé de la volonté des plantes, alors d'une volonté certes aveugle et qui réagit plutôt aux excitations avec Schopenhauer. On a parlé de la conscience avec Henri Bergson du monde végétal. Mais il reste quand même cette question de la sensibilité qui est quand même, vous l'avez dit en début d'émission, une question un peu cruciale et un petit peu vague. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut désigner comme étant sensible ou pas, et qu'est-ce que la sensibilité à partir du moment où la plante est une forme de vie, est-ce qu'elle n'a pas une forme de sensibilité pour pouvoir vivre, à savoir se nourrir, souffrir dans le sens, par exemple, de manquer d'eau, d'avoir des feuilles moins rayonnantes, moins vertes. Est-ce que ça, cette question, tout l'enjeu en fait de définir ce qu'est une plante et peut-être de fonder une condition végétale ne repose pas sur cette idée de sensibilité? Alors là aussi, vous voyez, on se heurte à un problème de vocabulaire. Pour moi, la sensibilité, c'est vraiment telle que la définit Rousseau et telle qu'on la retrouve d'ailleurs dans le droit. C'est le critère distinctif de la vie animale. Pouvoir pâtir dans sa propre chair de l'action d'autrui et faire l'expérience de cette violence qui peut m'être faite par l'action d'autrui. Alors, si on décide d'élargir la notion de sensibilité à la réaction, la pure réaction, à ce moment-là, il faut trouver un autre mot. Alors c'est vrai que nous avons le néologisme anglais « sentience », qui vient pallier en fait ce problème d'une définition, disons, physicaliste de la sensibilité. Si la sensibilité, c'est la réaction à un stimulus, à ce moment-là, les plantes sont sensibles. Mais quand on lit « la sensibilité, c'est de la part des plantes la perception de la lumière », il me semble que là, on accroît la difficulté en recourant à la notion de perception, même si on peut trouver différentes définitions de la perception. Mais quand même, Merleau-Ponty, percevoir, c'est croire à un monde, c'est donner de la signification. Bon, donc, ça me semble un peu problématique d'utiliser le concept de sensibilité dans la mesure où il fait, quand même, pour toute une tradition, encore une fois, dans le texte de juridique aujourd'hui, la ligne de partage entre les végétaux et les animaux au sens large, incluant l'humain, qui sont sensibles. Alors vous avez fait référence, Florence Burgat, à Jean-Jacques Rousseau. Je vous propose d'écouter le texte, cet extrait de Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. C'est un texte de 1755. On n'est point obligé de faire de l'homme un philosophe avant que d'en faire un homme. Ses devoirs envers autrui ne lui sont pas uniquement dictés par les tardives leçons de la sagesse. Et tant qu'il ne résistera point à l'impulsion intérieure de la commisération, il ne fera jamais du mal à un autre homme, ni même à aucun être sensible, excepté dans le cas légitime où sa conservation se trouvant intéressée, il est obligé de se donner la préférence à lui-même. Par ce moyen, on termine aussi les anciennes disputes sur la participation des animaux à la loi naturelle, car il est clair que, dépourvus de lumière et de liberté, ils ne peuvent reconnaître cette loi, mais tenant en quelque chose à notre nature, par la sensibilité dont ils sont doués, on jugera qu'ils doivent aussi participer aux droits naturels, et que l'homme est assujetti envers eux à quelque espèce de devoir. Il semble en effet que, si je suis obligé de ne faire aucun mal à mon semblable, c'est moins parce qu'il est un être raisonnable que parce qu'il est un être sensible. Qualité qui, étant commune à la bête et à l'homme, doit au moins donner à l'une le droit de n'être point maltraitée inutilement par l'autre. Alors Florence Burgas, ce texte est assez bouleversant parce qu'on entend clairement énoncer ce devoir de non-maltraitance d'un homme sur un animal. Effectivement, on pourrait être tenté de se dire que cette non-maltraitance pourrait s'appliquer aux plantes, mais pas tant sur le critère de la sensibilité, mais juste peut-être sur le critère de l'attention, du soin, du respect. Est-ce que ça, c'est un argument qui vous semble valable ? D'abord, je suis très heureuse que vous ayez lu cette page qui, je dirais pas que je la connais par cœur, mais presque, qui pour moi est vraiment un moment absolument majeur, hein, quand on pense le fondement du droit. Cette page de Rousseau, je crois qu'elle est vraiment fondamentale et qu'elle nous permet en tout cas de clarifier vraiment la question de savoir sur quoi se fondent les droits. À partir du moment où nous sommes au clair sur cette affaire, D'ailleurs, c'est très intéressant quand même parce que je vous coupe. Je vous en prie, Florence Burgas. Mais en fait, est-ce que c'est si clair que ça, que les droits sont fondés sur cette idée de sensibilité ? Il y a deux courants évidemment qui s'affrontent. Hein, on pourrait dire d'un côté les Kantiens et puis de l'autre les Rousseauistes. Soit on considère que les droits humains sont fondés sur le fait qu'il s'agit d'une exception métaphysique, voilà. Bon, j'appelle ça les fondés sur un dogme religieux. Bon. Ou bien il y a les rousseauistes qui vont défendre l'idée que, et puis bien sûr Claude Lévi-Strauss, hein, qui reprend cette idée de Rousseau, qui vont considérer que ce qui fait un humain, ça n'est pas d'abord les tardives leçons de la sagesse, tout ce que la vie en société lui apporte, mais c'est quelque chose de plus fondamental qui est antérieur à cette condition et qui tient dans le fait qu'il est sensible. À partir de ce moment-là, on n'ouvre pas la porte, bien évidemment, au saccage des forêts, des arbres. Enfin voilà, ça n'a pas du tout. Ça n'est pas du tout votre propos. Comme conseil. Non, bah bien évidemment. Pensez-vous, par exemple, de positions telles que celle, par exemple, d'un Aldo Léopold, qui va en tout cas plaider dans des très beaux textes pour l'idée qu'il y ait une sorte d'esprit, en tout cas, d'existence du sable, des minéraux, des arbres, et qu'à partir de là, en fait, il faudrait considérer une grande assemblée, en fait, presque politique, de tous les êtres vivants. Et ça pourrait aller de l'eau, des algues, jusqu'aux êtres humains. Alors moi, j'ai beaucoup de mal, si vous voulez, avec ça, parce que ces philosophies de l'environnement, appelons-les comme ça, parlent d'entités naturelles dans lesquelles, en effet, se trouvent rangées, hein, dans ce grand sac des entités naturelles, des rochers, des forêts, des fleuves, les animaux, les plantes, sans distinction. D'ailleurs, Aldo Léopold, rappelons-le, était chasseur. Et c'est vraiment quelque chose de très frappant chez beaucoup de philosophes de l'environnement. C'est leur préoccupation, en fait, des grands ensembles, des espèces. Ils ne portent aucune attention aux distinctions. C'est la posture antispéciste qui est prônée de manière courante que vous critiquez là ? Non, là, je critique vraiment les philosophies de l'environnement qui n'ont pas le souci des individus, qui ne pensent que les grands équilibres et qui donc mettent ensemble, dans ce qu'ils appellent la grande catégorie des entités naturelles, aussi bien les roches, les fleuves, les fleurs, les animaux, les arbres, sans rien distinguer, parce que leur souci, c'est un équilibre général. Et si vous voulez, pour moi, il y a quand même une grande différence entre un rocher et un être humain ou un mammifère. Enfin, je vois pas comment on peut partir de là sans arriver à des situations d'indistinction. Enfin, qu'est-ce qui va compter ? Mais l'antispécisme, puisque c'est moi qui ai employé ce terme-là, le fait de considérer qu'il n'y a pas de distinction entre les espèces et qu'à partir de là, il n'y a pas de hiérarchie entre les espèces, est aussi, on va dire, une manière, une méthode de radicaliser le propos pour pouvoir prendre en compte tous les êtres vivants. Pas forcément de la même manière, mais juste en fait avoir une attention à tous les êtres vivants. Alors, je ne crois pas que l'antispécisme, qui n'est pas un concept que j'aime du tout, hein, je ne crois pas que l'antispécisme ne fasse pas de différence entre les espèces. Il parle d'une égalité de considération. Donc voilà, c'est vrai que ce concept est quand même un peu caricaturé. Moi, je ne l'aime pas beaucoup parce que je pense que, et tout ce courant de la philosophie analytique est trop logiciste, a une façon de raisonner, logiciste, qui fait vraiment bon marché de toutes les constructions culturelles. Et je pense, si vous voulez, que ce qu'il faut déconstruire, c'est pas du tout que l'humain se considère comme une espèce différente, mais que précisément il se pense plus comme une espèce, mais comme un genre. Et que si c'est pas ça que vous travaillez, vous pouvez pas vraiment comprendre où sont les obstacles. Voilà, c'est une parenthèse. Mais en tout cas, je ne crois pas du tout que l'antispécisme se prête à cet amalgame qu'on découvre, enfin qu'on connaît dans les philosophies de l'environnement, en particulier des années 70 et encore aujourd'hui, cette manière un peu écologique d'aborder les questions et de ne pas distinguer les entités radicalement différentes que sont les végétaux, les animaux, les minéraux. Est-ce que vous avez l'impression, Florence Burgat, d'incarner une voix qui est audible aujourd'hui, vu l'engouement qu'on a pour la philosophie de l'environnement, les textes sur la condition animale, mais aussi maintenant sur la condition végétale? Alors, je pense que ma voix est la plus audible, parce que c'est quand même... Si vous voulez, je pense quand même dire qu'entre une salade et un humain, il y a une grande différence. Je pense que c'est très audible. Et je ne suis pas sûre. C'est très audible, mais ça n'est pas forcément consensuel. Si, je crois qu'il y a, on le disait, beaucoup de mauvaise foi, si vous voulez, chez les quelques philosophes qui disent qu'ils ne voient pas du tout de différence entre la souffrance animale et humaine et la souffrance végétale. Je pense qu'ils n'en croient pas un mot et que c'est vraiment une stratégie d'attaque. On peut penser aussi que cet engouement pour les végétaux est lié, mais ça c'est plus trivial, au fait que nous habitons dans des villes, que nous souffrons d'être dans des environnements peu agrémentés de végétaux. Et peut-être aussi qu'il y a une forme de néo-animisme, je crois. Quand vous voyez donc des propositions d'embrasser les arbres, je trouve que ça le fait de mal à personne. Hein. Je n'ai rien contre ça, attention, hein, je n'ai rien contre ça. Mais on peut penser qu'il y a là la recherche d'une espèce de transcendance dans l'immanence végétale. Enfin, il y a quelque chose aussi de cet ordre, probablement. Merci beaucoup, Florence Burgat, d'avoir ouvert cette semaine sur le végétal. Je rappelle le titre de votre livre, c'est « Qu'est-ce qu'une plante ?» et c'est sur la vie végétale, c'est aux éditions du Seuil. Et je signale aussi que vous êtes l'auteur de « L'humanité carnivore », c'était paru au Seuil en 2017. France Culture, et c'est l'heure, comme tous les jours, de retrouver la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes, tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Géraldine. Est-ce que ça existe vraiment, les générations? Alors je me méfie toujours des grandes fresques générationnelles. Quand j'étais libraire, il y a 20 ans, il ne se passait pas une semaine sans la sortie d'une somme générationnelle sur mai 68. Puis vint la réponse des enfants de ces insouciants baby-boomers, les fresques de la désindustrialisation qui racontaient le passage en une génération du fier 4x4 au SUV hésitant, tandis que le soleil du plein emploi n'en finissait plus de pâlir. Mais est-ce qu'on ne peut pas y voir une actualisation du mythe de l'âge d'or ? Le mythe d'un temps cyclique, oui, à ceci près, que la génération à laquelle on appartient tomberait systématiquement du mauvais côté du cercle, sur la pente descendante. Ça pourrait même être ça, l'explication de l'incroyable succès heuristique du concept de génération, une modernisation du mythe de la décadence. Je me méfie en cela du concept de génération en particulier et des fresques synoptiques en général. J'étais ainsi très sceptique vis-à-vis du livre de Wolfram Eilenberger, Le temps des magiciens, qui prétendait raconter comment, il y a exactement un siècle, dans d'autres années 20, quatre penseurs ont redéfini héroïquement le concept de modernité, Wittgenstein, Heidegger, Benjamin et Cassirer. Ça donne un peu envie, non ? Ça donne ultra envie, mais en même temps, ça sentait un peu l'arnaque habituelle, la fresque d'époque pleine de raccourcis paresseux. Lire, par exemple, que Walter Benjamin, tiraillé entre deux femmes, deux villes, deux conceptions du monde et en même temps incapable de se préparer un thé lui-même. Lire que Benjamin, c'était Weimar à lui tout seul. Bof, bof, mais j'ai continué ma lecture jusqu'à tomber dans la biographie pourtant mythique et un peu rebattue de Wittgenstein sur un fait que je ne connaissais pas et qui m'a spécialement intéressé, voire un peu troublé. Alors de quoi s'agit-il, Aurélien ? Alors Wittgenstein vient d'écrire son célèbre Tractatus Logico-Philosophicus en pleine guerre mondiale. De retour de captivité, sa première décision célèbre sera de refuser un gigantesque héritage pour s'établir comme instituteur. Mais il veut, auparavant, publier le Tractatus qui couvre, pour rappel, en une petite centaine de pages, tous les champs de la pensée, de la logique, à la théologie, et qui se distingue de tous les livres de philosophie qui l'ont précédé par le système de numérotation génial de ses propositions. C'est moins un livre qu'un système d'arborescence qui découle de la proposition 1, le monde et tout ce qui a lieu. Je passe sur le fait que mon auteur, celui du temps des magiciens, Wolfram Eilenberger, en fait des tonnes sur le fait que c'est un livre difficile et que même Russell, qui en écrira la préface, ne l'a peut-être pas complètement compris. Mais ce qui m'a émerveillé, ce n'est pas que Wittgenstein ait eu du mal à publier le Tractatus, n'importe quel éditeur aurait été effrayé par son formalisme, c'est le fait, beaucoup plus troublant, que Wittgenstein ait refusé de le publier à compte d'auteur, alors qu'il en aurait évidemment les moyens. Ma tâche a été de l'écrire, son acceptation par le monde doit avoir lieu selon la procédure normale, écrit-il. Évidemment, tout s'est arrangé très vite, le livre était génial. Mais le fait que Wittgenstein ait attendu, comme n'importe quel primo-romancier, la réponse d'un éditeur, cela me fascine car cela raconte que le plus dense des traités de philosophie ait pu être considéré par son auteur comme relevant du domaine romanesque. Quelque chose de sa génération était pour lui synthétisé ici. Mais je croyais que vous remettiez en cause le concept de génération. Je le remets en cause comme euphémisation publicitaire du concept de décadence. Mais ce que le Tractatus nous apprend, le Tractatus comme roman générationnel, c'est que toute génération s'est vécue aussi comme un âge d'or. En tout cas, comme capable d'assembler seul un monument de l'importance du Tractatus. Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Votre chronique, votre question philo est à réécouter sur le site de France Culture. Et un grand merci à toute l'équipe des Chemins de la Philosophie, Avril Poignant-Le Goff, Anaïs Sisbert, Manon Delasselle qui a préparé cette émission, Clara De Giovanni, Adèle Van Rett que vous retrouverez très bientôt à ce micro, Vincent Schmitt à la lecture des textes, Nicolas Berger et Esther Valencic à la réalisation, avec à la prise de son aujourd'hui Clément Daté. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission en allant sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie, où vous pouvez aussi trouver toutes nos informations musicales et bibliographiques. Et rendez-vous, bien sûr, sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram. Rendez-vous demain pour la suite de notre semaine sur le végétal, et demain, nous parlerons jardin partagé et culture démocratique, ou comment cultiver son jardin, c'est aussi cultiver la politique, avec la philosophe Joëlle Zask.